En fait, peut-être que justement, là, l'information est passée de façon tronquée, mais parmi les sujets qui, à mon avis, auraient pu justifier, disons, un débat, reste quand même celui de la mobilité. Disons, une chose, c'est des problèmes dans l'individu, et une chose, c'est la pertinence de cette thématique qui, à mon avis, peut... Et peut-être, j'espère avoir tort, mais peut à terme nous menacer, au moins certains d'entre nous. Et qui a en tout cas contribué au moment justement qu'on essaye de défendre même des disciplines ou des individus. J'ai parlé évidemment au moment de l'élection, disons pas de la nomination d'Allègre, on a sorti donc l'idée que la plupart d'entre nous étaient bornés, disons étaient désespérés parce qu'ils souhaitaient à tout prix se justement mobiliser, changer et aller dans le privé. C'est, disons, évidemment, j'ai parlé avec des collègues scientifiques et disons, je n'ai pas trouvé un seul qui m'ait dit ça, mais disons, ça c'était la justification à travers ça. Donc je voudrais savoir si on peut à terme voir qu'est-ce qui se passe réellement pour, disons, la conservation de notre statut, pour ceux qui ne sont pas et ne seront jamais directeurs d'équipe, au moment là où on a la possibilité d'une désintégration totale de notre statut. Donc j'espère avoir tort, mais j'aimerais en savoir plus.